bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Portrait Civique, l'émission qui dresse un portrait de jeunes en service civique chaque semaine. Alors aujourd'hui, on est avec Maxime de l'association L'Abri. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors moi, je suis en service civique à l'association L'Abri à Pouxu. Donc, je présente mon parcours. Ouais ? Ouais. Donc en fait, j'ai un bac donc STMG et j'ai fait un peu de psycho en faculté à Nancy. Et du coup, j'étais dans l'optique de passer mon concours d'éducateur spécialisé ainsi que de moniteur éducateur. Mais à défaut d'avoir réussi le concours, je me suis orienté plus vers un service civique quoi, pour avoir encore plus d'expérience et repasser le concours par la suite, quoi. C'est un concours où il faut avoir un certain niveau en licence de psycho ou pas du tout ? Non, pas du tout, ça n'a aucun rapport. En fait, j'avais fait de la psycho parce que justement, j'avais déjà loupé mon concours. C'était encore une fois pour avoir un peu plus d'expérience et être plus blindé, on va dire, pour le concours, quoi. Mais le concours, non, il ne nécessite pas forcément d'expérience particulière. Il faut juste avoir un certain recul et réussir à observer, à juger des choses sans forcément prendre parti quoi, sur le quotidien. Et, voilà, c'est un peu la seule difficulté du concours. Quoi. Il se découpe en deux étapes. Donc, il y a l'épreuve écrite. Donc, l'épreuve écrite, c'est sur un thème quotidien, en fait. Donc moi, par exemple, quand je l'ai passé, c'était sur les événements de Charlie Hebdo. Ah oui. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un certain recul. Et je pense que la seule expérience qu'il faut, c'est de la maturité. Et puis voilà, quoi. Et donc après, il y a les oraux. Donc il y a un oral avec un psychologue et un oral avec un professionnel donc, du concours que tu passes, quoi. Donc si c'est moniteur éducateur, tu auras un moniteur éducateur ou un éduc. Voilà. Et si tu réussis le concours, tu pourras travailler dans quel genre de structure ? Avec qui ? Donc en fait, si on réussit le concours, public, on va à l'école à Nancy, à l'IRTS ou à Metz, ou enfin il y a plein d'écoles. Mais donc on rentre à l'IRTS. Je suis plus sûr, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans de formation. Ouais. Et donc ensuite on sort diplômé. Et après on peut travailler dans des structures style des MEX, toutes les structures du social, en fait, que ça soit dans le champ du handicap ou dans plus le secteur de la réinsertion. Voilà. Ok, alors du coup, toi, tu es au centre d'hébergement, c'est ça ? Voilà, c'est ça, de l'association L'Abri, depuis le 16 octobre 2017. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce centre ? Alors en fait, le centre d'hébergement à Pouxeux, c'est un... C'est une structure où il y a des résidents qui sont accueillis soit par le 115, soit des gens qui viennent de la rue ou qui sortent d'incarcération. C'est des gens qui ont besoin d'être remis dans la voie sociale normale, on va dire, entre guillemets. Mm-hmm. Mais sinon, ouais, c'est... Donc, il y a un travail qui se fait autour d'eux, donc administratif, avec des assistantes sociales. Et voilà, ça, c'est pour le centre de le CHRS, pardon. Mais sinon, en fait, l'association, elle se découpe en plusieurs sites. Mm-hmm. Donc, il y a des sites... Des sites, en fait, c'est un dépôt, donc c'est là où on va récupérer des maisons qui ont été vidées, en fait. Donc ils vont récupérer tout le matériel qu'il y a dans les maisons, ils vont tout réparer, ils vont redispatcher sur la collecte, sur la braderie, pardon. et dans les magasins donc à Cornimont et à Gérardmer. Donc ensuite c'est mis en vente. C'est mis en vente pour des particuliers, tout ça, donc ça permet de ramener un peu de sous à l'association, à la structure. Sinon, moi je suis plus sur le centre d'hébergement, quoi, donc je suis plus en contact avec les résidents qui sont sur le CHRS. Donc voilà, après il y a un travail à faire autour de ça. Moi ma mission elle consiste plus à apporter de l'animation et à leur permettre de sortir, de voir autre chose et se défouler un peu donc autour du sport, la culture, tout ça quoi. Tu peux nous donner quelques petits exemples, je sais pas ce que tu as fait la semaine dernière. Alors moi quand je suis arrivé, déjà là j'ai réussi à mettre en place un atelier cuisine, donc c'est celui qui a le plus marché. Ça fait depuis que je suis arrivé, depuis octobre, que une fois par semaine on fait un atelier cuisine avec les résidents. Donc après voilà, en fonction de leur motivation aussi, on essaye de pas trop les obliger. Faut que ça vienne d'eux parce que l'atelier sera beaucoup plus bénéfique si ça vient d'eux. Donc voilà, il y a un atelier cuisine qui marche plutôt bien. Et puis après voilà, j'ai essayé de les sortir un peu sur Remiremont, faire un tour du plan d'eau. On a fait un tournoi de ping-pong. Des fois ils vont au foot. On essaye de les sortir au maximum, mais faut que ça vienne quand même d'eux quoi. Faut pas qu'on les oblige. C'est des gens de quel âge à peu près? Alors c'est que des personnes majeures, que des hommes. Que des hommes. Donc entre 18 et 60, ça peut monter jusque... Je sais même pas s'il y a une limite d'âge, quoi. Mais c'est que des hommes majeurs. Et pourquoi que des hommes pour... C'est un choix du centre Moi, je sais pas du tout. La structure là, c'est que... C'est comme ça, je sais pas. Ok. J'ai jamais posé la question. Mais... Et c'est que des gens du coin? Non, pas du tout. Il y a des gens de partout. D'accord. Ouais. Pas forcément des Vosges. Non, pas forcément des Vosges. Et comment ça se fait qu'ils atterrissent à Pouxeux plutôt qu'ailleurs? Tu sais pas? Je sais pas du tout. Après, il y a des personnes qui ont déjà fait d'autres foyers. Mm-hmm. Donc voilà, après, ils sont... Je sais pas comment... Est-ce que c'est des gens qui sont venus d'eux-mêmes dans ce genre de foyer? Ou des fois, c'est le SAMU? Enfin, je sais pas, ou les communautés qui les ont redirigés? Il y a certains des résidents qui ont déjà fait... des maisons de repos, tout ça, qui ont déjà été à Ravenel, par exemple. D'accord, ouais. Donc, qui sont un peu... c'est une difficulté un peu plus psychologique et psychique, donc ils sont dirigés là... Je pense que c'est d'eux quand même, quoi, mais c'est pour se réinsérer, donc dans un premier temps, ils seront hébergés, et puis ils auront besoin de refaire... tout ce qui est administratif, donc il y en a certains qui sortent d'incarcération, ils n'ont même plus de papier, plus de carte d'identité, plus rien. Ah ouais. Donc voilà, donc il y a tout à refaire, et puis un suivi budgétaire avec eux. Enfin voilà, ils sont un peu... ils n'ont pas trop la notion de l'argent, de comment bien gérer son argent, tout ça, donc on va travailler aussi là-dessus avec eux, pour qu'ensuite, la finalité, c'est qu'ils sortent... qu'on ait une sortie positive, quoi, et qu'ils prennent un appartement, et qu'ils aient un boulot quoi, travail. Donc en plus les sites qu'on propose, que la structure elle propose, permet des contrats de réinsertion, donc des CDDI, ça peut leur permettre, pour les plus motivés qui cherchent vraiment à travailler, dans un premier temps déjà de se réinsérer par là quoi. Parce que du coup, tous ne travaillent pas forcément au magasin de l'abri et à la récupération d'objets. Les résidents, il n'y en a aucun qui travaille. Ah d'accord, c'est pas du tout les mêmes personnes. D'accord. Non, parce qu'il y en a qui sont logés... en fait, c'est des personnes qui sont sans abri, en fait, qui sont logés... Donc ceux qui ont moyen de dormir quelque part et qui peuvent venir travailler en réinsertion, ils dorment pas forcément au CHRS. Ok. Et alors, quand tu fais des ateliers, c'est des ateliers de combien de personnes à peu près? Parce que j'imagine le centre doit être assez grand, tu ne travailles pas forcément avec alors, tout le monde en même centre, temps. Alors dans le centre, on doit être entre une quinzaine de résidents. Il y a une quinzaine de résidents dans le centre, mais bon, après les ateliers, ça, c'est pas du tout... je ne prends jamais tout le groupe en fait, je ne peux pas... Oui. Déjà pour gérer, c'est un peu plus compliqué et... Puis même, ils sont jamais tous motivés, ils ont des rythmes de vie assez compliqués, donc il y en a, ils se couchent à des heures le matin, ils dorment toute la journée, il y a des fois je les vois même pas de la journée. Donc avec ceux-là, c'est plus compliqué de travailler, même ils ont des difficultés à honorer même leurs rendez-vous pour tout ce qui est administratif, tout ça. Donc, pour faire des ateliers, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, je sais pas, je pourrais pas dire, hein, ça dépend. Des fois, j'en ai un, des fois, j'en ai quatre, des fois, j'en ai deux. Ok. Mais j'en ai jamais plus que 10, quoi. Ah ouais, c'est vraiment des petits groupes. Sauf si, au tout début, mais je pense que c'était un peu pour tester, pour voir ce que j'allais proposer. J'ai réussi à faire un tournoi de ping-pong où là, j'en ai une quinzaine, peut-être. Okay. J'ai même réussi à en reprendre 2-3 pour faire arbitre, tout ça. Enfin, ouais, c'était cool. Ouais, parce que si tu veux faire du sport en équipe, c'est un peu compliqué si vous n'êtes pas beaucoup. Ça. Ouais. Et du coup, c'est toujours les mêmes avec qui tu es depuis en octobre ou les gens, ça change ouais. Bah, après, le groupe, il tourne quand même, mais bon, ça reste un film. Hein. Tout le groupe ne va pas changer d'un coup. Et du coup, il reste combien de temps en moyenne à peu près dans le centre? Je ne sais pas si tu sais. Je crois qu'il n'y a pas de minimum. Il y en a, enfin moi personnellement, hein, j'en ai déjà vu rester 2 jours, puis repartir. Même sans prévenir forcément qu'ils repartaient. Donc voilà, on redonne une chambre de libre. Et sinon, il y en a, normalement je crois que c'est jusque 2 ans. 2 ans d'hébergement, mais après je pense qu'il y a des dérogations possibles et pour ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps, mais normalement je crois que c'est 2 ans, ouais, le maximum. Ok, alors si tu veux bien, on va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après dans l'émission Portrait Civique. Zaga, zai, zai. Hey, yo, what to ya? It's your boy. Ha. All the way from Bermuda. Taking this flow back. No man, I go feel no way. No care what the hypocrite them say. Not for them, I write down. Not for them, I write down. Every dog, them, I go get today. No man, I go feel no way. No care what the hypocrite them say. Enough of them a writer, enough of them a writer, but me not gonna really feel no way. 1, 2, operator, what's up? Pull that back, boom, jack that up. 3, 4, no set of rocks at my door. Baby got back, boom, put it on the floor. 5, 6, how you on my credit list? Shambles, now nah, ain't there the bitch? 7, 8, come first or come late? Kinky tricks, said tongue, make her come quick. 9, 10, stuck inside the loop, count the dividends, then do it all again. 11, 12, open the gates of hell, bitch max Satan like everything's well. 13, 14, strong with my team, together we gon' get there, y'all know me. 15, 16, ways to fulfill your dreams, one day at a time, but y'all gotta try. No man, I go feel no way, no care what the hypocrite them say. Not for them a writer, not for them a writer. Every dog them a go get them day. No me nah go feel no way. No care what the hypocrite them say. Not for them a writer, not for them a writer. But me nah go really feel no way. When you check it out, what it's really all about. You come to the assumption, a lot of people run their mouth. But they kings up north, while they queens down south. From the west to the east, nobody seen them in the house. Were you good with the trickery? Lizard living slippery. Nothing good to say but me, but can't resist my energy. Ha ha ha, I see you, you living parasitically. Stuck inside the matrix, and see me as the remedy. Open up your chakra, calm down your karma. If you is hungry, eat a lobster shawarma. Shawarma, yeah man, lobster shawarma. No man, I go feel no way. Me no care what the hypocrite them say. Not for them a writer, not for them a writer. Every dog them a go get them day. No man, I go feel no way. Me no care what the hypocrite them say. Not for them a writer, not for them a writer. But me no go really feel no way. No, them make them chat. To them job one rap. Both them bad and wicked, we no rate idiot. We no watch this, night at the hot. Sometimes I rock team, sometimes flip flop. From a dibby dibby, tell them we just back. Dust from me humble like wolves, them a flock. Me and a sheep, some guy fi know that. Me come from Bermuda with the vibes, them hot. The youth in the ghetto, them not take no chat. Them tired and them fed up, just believe that, that, that, that. Oh, blam, blam, blam, blam. Don't tell who, large up yourself, man, tribal business, all big things are born. You see them chewing up, but then we get them chewing up to all of the hypocrites, them, them. Man, I think know them blood clad self. Large up my family. Big it up, big it up. Vous êtes dans l'émission Portrait Civique et vous venez d'entendre l'entourloupe Lobster Chouarama. Alors aujourd'hui, on est avec Maxime de l'association L'Abri. Salut tout le monde. Alors du coup, on va revenir peut-être un peu sur toi. Comment tu as trouvé, du coup, tu nous as dit que tu cherchais vraiment quelque chose par rapport à ton parcours professionnel pour le service civique. Comment tu as cherché? Tu as cherché sur le site internet officiel des services civiques? Non, alors en fait, j'ai... Donc il y a eu une, je le cache pas, il y a eu une période où j'étais un peu perdu dans mon orientation. Donc j'ai pris rendez-vous au CIO à Épinal. Et en fait c'est eux qui m'ont mis, enfin qui m'ont fait connaître le service civique quoi. Donc ils ont des postes informatiques où ils nous aiguillent un peu sur les recherches tout ça et ils m'ont montré le service civique. Donc il y a un site avec de multiples missions, de multiples thèmes. Donc moi, j'ai direct mis social, sport, animation, tout ça. Enfin, ce qui me plaisait, en fait, et dans le secteur, et même c'est assez éparpillé, enfin, il y en a dans toute la France, mais dans le secteur, il y a plein de missions. Et après, il faut juste trouver celle qui nous plaît le plus. Et moi, franchement, là, je suis bien tombé. Je pense que même au niveau de l'expérience que je vais... que je vais acquérir durant les 7 mois là, ça va être bon pour moi quoi. Et il y a d'autres missions qui t'intéressaient dans les Vosges du même type un peu? Bah après tout ce qui était dans le social ça m'intéressait du temps que ça m'emportait de l'expérience quoi. Ouais, mais après c'était pas forcément dans le même type parce que des centres j'ai ouais, pas voilà, trop c'est, si c'est la mission en elle-même quoi, elle me plaisait pas plus que ça quoi. Ouais. Après, il faut savoir que ça reste du service civique, donc on ne va pas bosser en tant que voilà, qu'éducateur. Où c'est on ça, va, ouais. On va apporter un appui. Et non, sinon... après, j'ai un peu tout regardé, mais voilà, j'ai quand même postulé dans 2-3 services civiques. Et voilà, après, j'étais retenu là. Donc, Tu connaissais L'Abri avant ou pas du tout? Non, je connaissais pas du tout la structure. Pourtant, c'est juste à côté de chez moi, je connaissais pas du tout. Est-ce que tu habites Saint-Étienne-lès-Remiremont? Non, moi je suis du secteur de Remiremont, Éloi. Ouais, ah oui, tu veux dire, t'étais pas loin de Pouxeux. J'étais pas loin, quoi. Je suis du secteur, donc non, je connaissais même pas. Et pourtant, ça fait 40 ans que ça existe l'association là, et non, je connaissais pas du tout. Et si cette mission avait été loin de chez toi, tu l'aurais quand même prise? Ouais, je pense que si j'étais retenu qu'à celle-là, ouais, je l'aurais pris quand même. Ouais. Bah oui. Non, j'avais besoin. Il fallait. De toute façon, il fallait que je fasse quelque chose durant cette année-là. Donc, j'aime pas perdre une année. Donc voilà, j'ai. Parce que du coup, t'as quel âge? Je sais pas si on en a. Là, je vais avoir 20 ans. Là. 20 ans, ok. Ouais. Et du coup, tu vas préparer le concours en même temps? Alors, je repasse moniteur éducateur. Donc en fait, ce qui est bien avec le concours là, c'est que il est niveau bac. Donc si t'as le bac, il y a même pas besoin d'avoir le bac pour passer celui-là. Mais si t'as le bac, en fait, t'es exempté de l'écrit. Donc moi, en fait, je passe que l'oral, enfin les oraux parce qu'il y en a deux. Et c'est courant février, la fin février. Parce que du coup, tu nous as dit que c'était 7 mois ton service civique. Voilà, j'ai commencé en octobre et je finis en mai. En mai. Ok. Parce que du coup, si tu passes ton concours en février, ça te fait reprendre les études. Septembre. Septembre, ouais. Enfin, la rentrée, quoi, de l'école. Ok. Et du coup, ça te laisse un petit peu de temps pour préparer ton concours? Combien d'heures tu fais par semaine? Je fais 41 heures semaine, j'ai deux contrats, mais sinon sur le service civique, en fait, il y a une fourchette. Donc je crois que c'est entre 24 et 28 heures. Ouais. Sachant qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'on fasse 24, 26 ou 28 heures, les rémunérations, elles sont pareilles. Quoi. Ouais. C'est... Donc en fait, vu qu'en général, c'est dans des associations, des structures à but non lucratif ou non, ils ne délivrent pas une grosse indemnité en fait, aux jeunes en service civique. C'est la plus grosse part, c'est l'État qui la déverse. Mmh. Donc voilà quoi, c'est ouais, une fourchette de 24 à 28 heures, il me semble. Moi je suis en 26 et ouais, donc je suis en CDI à côté. D'accord, ah t'as un autre boulot. Ouais. Bah, sans indiscrétion, c'est dans quoi? Je travaille au KFC. D'accord, c'est le petit boulot. J'avais fait, ouais, ça fait un petit moment que j'y suis parce que je faisais ça en complément de mes études. En fait, quand j'étais à la fac, je travaillais que les week-ends. Après, pendant un petit moment, j'ai travaillé toute la semaine vu que j'étais plus à la fac. Et là, vu que j'ai retrouvé le service civique, j'ai regardé si c'était bien, compatible les deux. Enfin, si je pouvais faire les deux, exercer les deux en même temps, et il n'y avait pas de souci. Donc voilà. C'est quoi? Tu fais ça le soir en revenant du service civique? Non, en fait, toute la semaine, je suis en service civique. Donc je fais lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et samedi, dimanche, je suis au KFC. D'accord. Et en même temps, tu prépares ton concours? Non. Ah, pas encore. Bah, je le prépare pas. Théoriquement, en fait. Ouais, et tu n'as pas des trucs pour t'entraîner à l'oral enfin, je sais pas, avec le CIO, avec les missions locales, des fois, est-ce il que doit tu sûrement peux... y avoir des prépas, hein, je pense, ouais. Mais moi, je fais rien de tout ça. Non, je fais de la pratique. Et... Après, la théorie, si j'ai 2-3 bouquins. Ouais. Mais j'arrive. Enfin, en fait, j'assimile mieux en pratiquant qu'en révisant. J'ai jamais réussi, même à l'école, en faisant que de la révision. Donc. Faut de l'exercice pour que ça rentre. Ok. Voilà. Et tu penses que si tu auras ton concours, est-ce que on sait jamais si après à la fin de tes études, tu serais amené à travailler dans un centre d'hébergement, ça te dirait de revenir dans ce même type de structure? Ouais, carrément. Ouais. Mmh. Ok. Et peut-être pas forcément celui de Pouxeux, je sais pas, peut-être voir autre chose ou... Après ouais, je suis curieux, j'aimerais bien voir autre chose, mais franchement, le site de Pouxeux, déjà je m'y sens bien parce que l'équipe elle est quand même bien, l'équipe, hein, on a voilà, mais après c'est vrai que ça reste compliqué de travailler dans un secteur comme ça, donc j'en suis conscient et je sais que de toute manière que j'aille dans une structure ou une autre, les finalités elles sont un peu les mêmes quoi, c'est le social, voilà, c'est mais bon. Okay. J'ai, en ayant déjà travaillé avec des personnes en situation de handicap, c'est quand même différent, quoi. Mais voilà, ça se recroise à certains moments. Et alors, tu nous as dit que l'annonce t'intéressait vraiment par rapport à en la En fait, je les ai... Pardon, je te coupe. Ouais, non, vas-y. En fait, je les ai vus au forum à Épinal. D'accord. Au cours, il y avait un forum des métiers où, enfin, il y avait plein de structures, donc il y avait l'abri, ça s'appelle ce qu'il y avait, c'était pas un forum spécial service civique, je crois, ouais, qu'il y en a, ouais, il y en mais a enfin, temps les structures, ouais. Qui étaient quoi, il y avait la protection civile qui, ah, était, oui. Donc ils accueillent aussi des services civiques quoi, enfin il y avait tout et il y avait donc la structure de l'abri quoi. Et du coup t'as discuté un petit peu avec, voilà, eux, c'est ça, j'ai fait un mini entretien, j'ai donné mon CV puis voilà quoi, après ils m'ont rappelé, ils étaient intéressés, donc déjà là, ma mission, elle devait se dérouler en binôme. Mm-hmm. Donc malheureusement pour eux, ils n'ont pas le binôme. Ah, parce qu'ils n'ont pas trouvé de personne intéressante. Ils n'ont pas trouvé mon binôme, mais après moi, je pense que c'est pas plus, enfin, égoïstement, ouais. C'est pas plus mal pour moi. Parce que du coup, tu es un peu plus libre. Là, je suis plus sollicité. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que du coup, il y a quand même, j'imagine, pas mal de choses à faire. Tu es toujours un peu occupé. Bah ouais. Après, il y a beaucoup de choses à faire si on a une conscience pro qui nous, ouais, dit de faire quelque chose quoi, c'est voilà, c'est faut vraiment avoir, en fait c'est un métier passion quoi, c'est faut avoir l'envie d'aller au taf le matin et de bouger les gars et de travailler avec eux, parce que c'est pas eux qui vont, enfin il y en a certains, mais la plupart c'est pas eux qui vont venir vers toi pour te dire ouais viens on va faire ça, on sort, donc ouais faut toujours chercher des trucs qui pourraient leur plaire, qui toujours, ouais, ouais. Ouais, c'est bah au début on fait des choses simples, hein, mais après on se rend compte que même rien que leur centre d'intérêt, ils ont quand même des centres d'intérêt assez vastes. Donc voilà, faut Sport, culture, loisirs, tout ça. Et toi, ça, c'est quelque chose justement qui te motive tous les matins, tu te dis aller Bah oui. Et que tu reviens le soir, t'es content d'avoir fait des choses. Ouais, ça met en fait, on relativise un peu sur notre vie aussi, donc on voit les choses autrement, quoi. Du coup, tu pourrais dire que la mission correspond tout à fait à tes attentes par rapport à... Elle correspond à mes attentes dans le sens où j'attendais une expérience pro pour le concours, mais en fait, on a aussi une expérience humaine et personnelle, quoi. Ouais. On refait tout de suite une petite pause musicale avec The Skins, Rub-A-Dub, donc dans l'émission Portrait Civique. À tout de suite. C'était Rub-A-Dub de The Skins dans l'émission Portrait Civique. On est toujours avec Maxime Delabry qui est venu donc nous parler de son service civique. Et du coup, tu es très libre, j'imagine, dès que tu proposes des nouvelles choses. Au contraire, c'est bien accueilli. On attend justement que tu aies un peu d'initiative, j'imagine. Le but de la mission aussi, c'est ça, c'est que je m'exprime en premier lieu et après, ils m'aident si j'ai un petit trou, si j'ai un manque d'idées ou... Mais ouais, si ça vient de moi, c'est mieux, quoi. Parce que du coup, ça se passe comment, l'équipe ? J'imagine que t'as un tuteur ? Ouais, j'ai un tuteur, ouais. Qui, je sais pas, sa place dans le centre ? C'est une femme, ouais. Elle est coordinatrice. D'accord. D'une équipe, donc voilà. Après, il y a des assistantes sociales, et puis d'autres animes, quoi, avec moi. Parce que du coup, il y a d'autres jeunes. Alors du coup, tu m'avais dit que non, il y a peut-être pas d'autres services civiques, t'es peut-être le seul là-bas ? Non, là, là-bas. Du coup, ouais, dans la structure-là, je suis tout seul, ouais. Mais en service civique. Ça arrive des fois qu'il y en ait plusieurs, c'est ça ? Selon les gens. J'en sais rien. En fait, la mission là, ouais, je pense qu'ils pouvaient en accueillir deux. D'accord. Elle était à la base, elle était faite en binôme. Ouais. Et ça se passe comment, l'abri ? On peut être bénévole là-bas ? Ouais, il y a des bénévoles. Mm. Ok, on peut venir et dire, ben voilà, moi j'aimerais bien donner un peu de mon temps et... Ok. Comme dans toutes les associations, je crois qu'il y a des bénévoles. Ouais, après des fois ils demandent un peu plus d'expérience, peut-être dans le social ou non, c'est peut-être des fois ouvert à tout le monde, je sais pas. Après voilà, j'y suis que depuis octobre, je connais pas tout sur la structure sur le bout des doigts, mais je pense qu'on peut être bénévole quand même assez facilement. Parce que du coup, toi, tu... Je sais pas s'ils demandent de l'expérience particulière, j'en sais rien du tout. Après, toi, t'es assez autonome. J'imagine que tes ateliers, t'arrives à les mener toi-même et tu travailles pas forcément avec le reste de l'équipe. Après, moi, j'ai besoin quand même... Parce qu'en fait, du coup, le service civique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un remplacement de poste. Oui, donc c'est ça. Donc, on n'a pas tous les droits et on n'a pas le même contrat. Et... Donc, on est toujours quand même un peu dépendant de ceux qui tiennent les clés, quoi, qui... Voilà, donc pour aller à certains endroits, j'ai besoin d'aller demander quand même. Ouais. Je ne prends pas toutes les initiatives tout seul, puis même je préfère les mettre au courant de ce que je fais et tout ça. De toute manière, je recense tout dans un... J'ai un cahier où j'écris tout ce que je fais, donc... Ok, pour avoir une sorte de suivi, pour montrer un petit peu. Ok. Parce que du coup, comment ça se passe entre l'idée d'un atelier et jusqu'à l'atelier lui-même. Ça passe combien de temps tu passes à préparer Ça dépend de l'atelier. Donc là, l'atelier cuisine, en final, je le prépare même plus. J'ai essayé de voir avec eux pour que ça soit justement eux qui le préparent. D'accord. Enfin, qu'ils le préparent dans le sens où déjà qu'ils fassent un menu en premier temps, donc quelque chose d'assez simple. Et donc en fait, il y a le cuisinier, lui, qui va faire les courses. Mais moi, j'ai essayé quand même de vouloir aller les faire avec eux. Donc, pour qu'ils aient aussi la notion de l'argent, tout ça, de voir, un menu, ça coûte combien pour tant de personnes. Pas forcément prendre des produits très très chers, mais voilà quoi. C'est vraiment le repas de A à Z, quoi. De A à Z, ouais. S'ils veulent faire entrée plat dessert, ils font entrée plat dessert. Mais dans le sens de... C'est ça, comme tu dis, du budget jusqu'à la vaisselle, quoi, peut-être, non ? Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Après moi voilà dans mes horaires je fais pas de parce que les animateurs qui sont là-haut les animes ils sont en journée et en nuit. Donc ils font des services où ils commencent à 19h et ils finissent à 8h du matin ouais 8h 8h et quelques je sais plus mais du coup ils passent toute la soirée et la nuit avec eux. Ouais. Puis le petit matin, quoi. Mais du coup, en soirée, c'est plus là où il y aura la fin de mon atelier, la vaisselle, tout ça. Ça, je m'en occupe pas vraiment parce qu'ils ont pas mangé quand je pars. Donc, D'accord. Ah, tu participes même pas au repas non, de l'atelier cuisine ? Une fois, parce que pour c'est savoir un repas un peu atypique. Et j'ai décalé mes heures pour manger avec eux. Mais non, sinon, le soir, je pars plus tôt. Ok. Du coup, tu sais même pas le goût qu'a ce qui était une préparé fois, dans si, les ateliers. Je l'ai su parce que c'était. Voilà. C'était raté ? Non, c'était bien ? Non, il gère, franchement, il gère. Après, j'en ai un plus. Enfin, vraiment, j'en ai un qui tient la route quoi, sur l'atelier là. C'est sur lui, je sais qu'à chaque fois, je lui dis ouais, tu peux faire le menu pour. Donc, je fais l'atelier les mardis. Le lundi, je préviens le cuisinier qui prépare pas pour le mardi après-midi, enfin pour le mardi soir, parce que donc les résidents ils vont préparer leur pas quoi. Donc lui, je vais le voir le lundi, le cuisinier, je le préviens s'il y a atelier ou non, et ensuite je vais voir le résident et je lui dis voilà, on fait l'atelier, si tu veux, tu peux préparer un menu, tu peux même aller voir les autres résidents, pêcher des infos, voir ce qu'ils veulent manger tout ça. Donc après des fois, puis ce qui est bien, c'est qu'on a des personnes de différentes origines. Donc quand il y a un atelier cuisine comme ça, ça permet de se rassembler et voilà, de goûter une spécialité, un truc. Donc c'était pour ça que j'étais resté la dernière fois. Ah, c'est sympa. Ouais. Et c'est pas un peu dur, entre guillemets, de trouver des moyens ? Alors je sais pas, j'imagine que pour l'atelier cuisine, il faut quand même un peu d'ustensiles. Ah bah on a un réfectoire, on a une salle où ils mangent. Ouais. Et on a deux cuisines. Donc on a une grosse cuisine qui est quand même avec du matériel... Voilà, c'est une cuisine, c'est le matériel adapté pour... Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, vous avez utilisé, en fait, la cuisine qui est déjà dans le centre, avec tout ce qui était déjà dans le centre, quoi. Mais du coup, quand tu fais des ateliers, je sais pas, peut-être culture ou sport, qu'il faut acheter un ballon ou autre chose comme ça, c'est pas trop compliqué, ou on fait avec les moyens du bord? Non, après, on peut quand même avoir un budget. Je veux dire, si moi je veux monter quelque chose et que ça nécessite un certain budget, je vais en parler d'abord à ma tutrice. Après, on verra avec la comptable pour une sortie d'argent. Mais non, enfin comme les courses, quoi. On sort de l'argent pour aller faire les courses. Donc non. Puis après, enfin, il y a quand même du matériel. Il y a des ballons de foot, baby foot, table de ping pong, raquettes, balles, tout ce qu'il faut, quoi. Il y a même des skis, enfin après bon, ils sont en piteux état, mais ils les utilisent pas trop, mais bon, c'est non, il y a ce qu'il faut, et franchement ils peuvent pas dire qu'il y a rien à faire, parce qu'il y a, voilà, faut juste les secouer, les motiver. Et puis, et quand tu parlais de sorties culturelles, j'imagine c'est plutôt sur Remiremont ou Épinal, est-ce que, je sais pas, vous faites des expositions, des sorties? Alors oui, ils aiment bien y a une petite partie qui aime bien le foot quand même. Ouais, plus le sport, ouais. Donc quand c'est sport, c'est plus sur Remiremont. Ils sont allés voir le match à Épinal il n'y a pas si longtemps, ah oui, là, contre vrai, Marseille. Ouais. Pas tous, hein, un petit groupe. Sinon, culture, ils aiment bien la musique, le rap, tout ça. Donc ouais, des concerts sur Épinal. Cool, ok. J'ai mes collègues, entre guillemets, parce que voilà, je suis même pas au même niveau qu'eux, mais bon, c'est des collègues qui ont aussi des idées et qui apportent aussi des trucs, quoi. Okay. Et qui ont justement plus de contacts pour... organiser, ouais, des trucs de sortie, de groupe... un peu plus culturel, enfin, avec, voilà, une plus grosse ampleur, quoi. Ok, est-ce que du coup aussi, j'imagine, tes collègues, du coup, font pas que ce qui est administratif, social, etc. Ils font aussi un peu d'animation, un petit peu comme toi, quoi. Ok. Alors, je pense qu'on... On va bientôt finir cette émission. Je ne sais pas si tu avais quelque chose encore peut-être à ajouter. Non, c'est bon. Alors, quelques petits mots sur le retour de ton service SIC. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, si tu as fait, il y a une formation obligatoire en plus du PSC1. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà faite. Est-ce que tu trouves que... Non, moi, j'ai fait que le PSC1 pour l'instant. Tu trouves que c'est bien, ça apporte quelque chose, c'est intéressant? L'autre formation obligatoire, je ne l'ai pas encore faite. D'ailleurs, je vais la faire sur la fin de mon service civique. Donc, bon... Voilà, par rapport aux dates, tout ça, j'ai pas... Parce que c'est pareil, les formations, en fait, on les choisit. Enfin, mis à part le PSC1, voilà, on n'a pas le choix, mais l'autre formation, on peut la choisir. Donc, pareil, en fonction de ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, et les dates, voilà, je suis tombé sur la fin de mon service civique, mais bon, ça rentre quand même dedans, donc il n'y a pas de raison. Après, voilà, sinon le PSC1, ouais, PSC1, quoi. Tu sais déjà ce que tu vas faire comme autre formation? Je sais pas si t'as un peu regardé, peut-être aussi dans le thème de la solidarité ou... Non, pas forcément. Mon thème, c'est un... Déjà, en fait, je pense que la formation, il va y avoir d'autres services civiques avec moi. Comme le PSC1, on n'était que des services civiques, mais je pense qu'il y aura d'autres services civiques et qu'on va plus débattre. Donc là, c'est autour d'un thème. Le thème, je ne l'ai plus en tête exactement. La fraternité, quelque chose comme ça, mais j'ai plus le thème en tête. Mais ouais, on va se regrouper et puis débattre sur un thème, quoi. Ok, alors est-ce que tu sais quand tu vas partir de ton service civique, s'il sera renouvelé, s'il y aura une autre mission qui sera proposée Alors il me semble, ça aussi il faudrait que je me renseigne, mais il me semble que c'est pas renouvelable. Mais non, mais dans le sens où, pas forcément que toi, tu vas refaire un service civique après, parce que de toute façon, que le service civique... Que la structure va accueillir un autre service civique? Oui, voilà. Parce que... Ça, j'ai pas l'info. D'accord, ok. Non, parce que s'il y a des gens qui sont intéressés, qui se disent « Ah, trop bien, moi aussi, j'aimerais bien faire un service civique à l'abri », ça serait plutôt vers juin, quand toi, tu seras parti, quoi. Je sais pas après, du tout, voilà. Je pense. Bah, après, comme la mission, elle pouvait se faire en binôme, il y en a un qui peut peut-être rentrer avant que je termine, j'en D'accord, sais dès maintenant, voir pourquoi pas... Avec l'abri, s'il y a toujours des missions. D'accord, et tu... La personne, elle est intéressée, qu'elle est motivée, ils la prendront, je pense. Hein. Après, voilà, il faut... De la motivation. Non, ouais, mais après, je pense que... Déjà, ils vont attendre... Vu qu'il n'y a pas eu de binôme jusque-là, je suis quand même aux trois quarts. Enfin, j'ai fait une bonne moitié, déjà. Je pense pas qu'il y en ait un qui va se dire... demain matin, ça y est, je vais venir. Mais ouais, après, je pense qu'eux, ils sont ouverts pour accueillir d'autres jeunes en service civique, quoi. Et du coup, tu leur recommanderais ce service civique à d'autres gens Je leur recommanderais s'ils savent pourquoi ils viennent, quoi. S'ils savent ce qui. Après, voilà, c'est un service civique, c'est aussi pour découvrir, hein. Donc, je veux dire, la personne, si elle a envie de découvrir une structure comme ça, elle peut tout à fait bien faire un service civique à l'abri, hein. Y a pas de. Qu'elle soit pas forcément dans le social. Après, ça. Enfin, si, on peut être intéressé. C'est quand même mieux d'être dans le social, mais si elle a envie d'être dans le social, je suis pas dans le social, hein. J'ai aucun diplôme dans le social, mais si elle a envie de découvrir le monde du social, ouais c'est une bonne structure. Ok. C'est une bonne structure pour être d'attaque. Et est-ce que du coup c'est un centre d'hommes ? Est-ce que tu penses qu'une fille en service civique, elle y arriverait un peu à faire sa place dans ce centre, un petit peu à proposer des animations, ou ça passerait pas trop bien ? Je sais pas trop. Ça passerait pas trop bien, comment ça ? Je sais pas si tu penses que auprès des vraiment, résidents, ouais. Plutôt, je pense que ça serait plutôt ça. Après voilà, ils ont leurs idéologies. Il y en a certains qui ont des problèmes avec les femmes, donc voilà. Mais après, si elle est là, qu'elle tient la route, ouais. Il y a pas de raison, hein. Tout le monde peut le faire. Hein. Ok. Il y a pas de raison. Ben merci beaucoup, Maxime. De rien. Et puis, ben voilà, j'espère que les auditeurs qui nous ont écoutés, en tout cas, auront découvert ou redécouvert l'abri. En attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Portrait Civique. À bientôt sur Radio Gémozo.